là où je veux vous expliquer quelque chose. Maintenant, CLC, et nous, quoi, nous projetons, on a ça la marche. On a pour la nini, pour la 15 millions. Problème, on a 15 millions T. Problème à CLC, le coup là-bas échoua qui a imposé Fayoulou, il y a un programme. Le coup là, France a 40 000 téléphones pour tricher. Et petit poto, il y a un prouvé. Parce que Mindele et Sengi Bango, que bon, ça là tout par ba minye, ba toya ba minye, groupe la Bangouane, il y a Mon Ibrahim, il y a Gentler, il y a Forest, il y a Banini, Nyonsoana, Bango ça la Bango pression. Bango va promettre que nous allons rendre le pays ingérable, donc créer un soulèvement pour que tout empêche Félix à tenir coup. Ne cadre celle-ci à l'égard ça la marche. Dossier en justice pour nous avoir 15 millions. Marche, vous allez l'ango nini. Comment vous justifiez ça? Est-ce que vous l'avez dit justice et lobby? Nous classons sans suite. Il y a 15 millions. Nous avons dit marche. Marche na bino. Na tangere bino ba combo. Bon mitala. Bon comprendre. Vous pouvez associer quelqu'un d'autre. Le corps là qui sont golo pour justifier votre forfait. Parce que vous êtes en train de tirer tout le monde vers vous pour faire du mal au président de la République. Parce que yo CLC, les Kambo Oyo, il y a Mouto et France, Tokoya Zongi Lango, na Mouzito. Botele Bosali Marchite, pour dire à Mouzito, non, non, photo yeba, moi sinon, Bakanga yé na Mbongo et Bele. Et où t'as rapide? Cette marche n'existe pas. Vous êtes à l'aise. Votre marche, vous voulez, parce que vous avez voulu, vous, amputer le Bokomoko ya Félix Oyeza Vital Kamere pour vous séparer. Pour que, pour vous, ce que Vital a longué, vous séparez na Félix. Félix a rosalé na faiblesse quelque part. C'est ça votre pensée. Il y a encore besoin de Bundama cash. Vous faites des émissions pour que non, bâti la caméra. Ce qui va au cabana, va au cabana, le camon soussou, ou y a binoté, ou si mbate. Celle-ci, vous devriez normalement, pour ça, la marche, il y a que, bah, école catholique, ou j'en bois à gratuité, bote le melayango. Félicitations à Batu Abukavu. Bah, le but au compte église était, tant que vous ne libérez pas cette situation. Essayez de comprendre. Gratuité de l'enseignement, vous vous regrettez. Cher enseignant, Nayoka ki ba mususu ba pesi réseau balobi, mbongo wana ndeza ki kosalisa. Parce que ce qui est atteint moyen, tout temps que c'est atteint niveau, ba élève ko kita. Nao tuna le cher enseignant. Je suis enseignant. Non actif pour le moment. Je pose cette question. Chaque année, vous allez qui vous kende na grève, vous les enseignants, nous les enseignants. Alors que les parents payaient toujours. Beaucoup qui vous expliquent ce qu'on bat, grève, c'est qui a nini. Un, deux. Bah, parents, vous allez qui vous foutent toujours bon. Le niveau est toujours très bas. Donc, vous n'avez rien foutu, si je comprends. Cet argumentaire ne tient pas la route. Que ce qui va paraître foutu est niveau et coquita. Non, vous mentez. Celle-ci, ça la marche contre les écoles qui ne veulent pas libéraliser cette situation-là. Ça la contre l'église Oyo et ça pour tellement pour que l'école continue à foutre. Qu'on continue à foutre, c'est-à-dire qu'on n'yoko le parent. Dès le bonjour, ça là. Professeur Ndaiwel, Telemela Yango, Tika Makamba 15 millions, ça ne te regarde pas à l'heure qu'il est. Ne forcez pas la justice. Les enquêtes évoluent progressivement jusqu'à ce que vous comme la preuve. Yoko forcé à voter. Parce que vous n'avez jamais forcé lorsqu'il s'agit de vos frères à vous. Yo CLC aux Alakiawa, au Salaka marche à Koloba, pour l'année ni vu les assalités dans le niveau. Au Salaka Yangote.

Parce que nous, Congolais, nous aimons trop le mal. Nous ne confessons jamais le bien. Notre problème, c'est toujours Simbaté. Écoute les Américains, le nom des avoués. Écoute ma belle, je vais le biboyer. Nous n'avons que ça comme langage dans notre bouche. Je vais vous faire une démonstration tout de suite. Ba enseignant Bolande Loko Oyo. Botika ba parents tranquille. Bolande Nde et Sika Bozalaka. Comme le gouvernement a prévu une augmentation des salaires, le problème est Zalaka. Augmentation mingi mingité. Le problème est la production. Moutoko a un salaire à $100. Ce qui est ça, il y a foufou, il y a 50 kilos. Et comme 10 000 francs. Moutoko a un salaire facilement, non? Ce qui est un salaire, c'est un prix normal. Que un salaire est à $10. Moutoko a un. Ce n'est pas l'augmentation des salaires qui résout les problèmes, c'est plutôt la production, parce que la RDC, Ndenge, Kabilati, qui a un bateau, qui a un bazalaki, qui a gouvernement, Oyo, Batika qui paye sans production aucune. Rien du tout. Pas de route de dessert agricole, rien du tout. C'est pourquoi, Mbongo Moussou Moutouba, vous foutez $500, à un monango zéro. Bolanda Sikoyo, démonstration na zo la ki sa bongo boko talabanda ko boko ndeko beta ni solo bo comprendre bo bisa celle tika na yo so zangi musala ko sala tika na yo parce que batoyo bazo linga ko torpiller sikoyo mboka eza église catholique ya zo ko boya na ba école na ye gratuité de l'enseignement ya za pire que 15 millions azo telemera tolanda o salle de classe soki za na ba élève 50 et que Minerval par élève est à $500 Namboula Moko. Mon qui se va foutre à cahier $500 par mois. Soit au salaire $500 fois 12 mois pour Salamboula Mobimba, mon qui se va zoindre $6,000. Maintenant, tu as $500 fois 50 élèves et en de $25,000 na classe Moko. Dans ce insister. Mais enseignant y est. Bazo futaye na ba élève 12. C'est-à-dire ba élève 12 ceux qui ba futi $500 na chaque élève et zo pesaye $6,000. Mais pourtant ba élève baza 50. C'est que so to longo di 12 na katia 50 to zo tikala na 38 élèves oyo mbongo na bango tikali. 38 élèves fois $500 $19,000. C'est-à-dire, tant que vous foutez mon akishiwa na école primaire, na classe na ye, ba foutez kaye 6,000 la na mboula moko, mais ba chef na ye bazo tikala na $19,000. Bande konanga ibola na sikoyo. Toza na école primaire. Soto jusqu'au 19,000. Par exemple, première A, première B, première C, première D, première E, ça fait 5 classes à première primaire. Donc, vous en avez 19 fois 5, ce qui fait $95,000. Si vous avez chaque niveau, il y a première, 5 classes, il y a deuxième, 5 classes, il y a troisième jusqu'en sixième, 5 classes. Donc, vous avez $95,000 fois 6 promotions égale à $570,000. C'est-à-dire, Namboula Moko, bango ba chef ya ba école wana bazoko boya, batika la kana $570,000 na maboko na bango. Yangwana siko ba monique, si les parents de ces élèves cessent de donner les $500, bako bungi sa $570,000 ou baliaka ofele. Tope sa bango siko yo, marge Moko. Sotozi na $570, disons na 19,000. Toko kolongo la nef ya likoro, e futa ba personnel oyo ya école, nef moko pamba. Parce que za ba nef nyon sauté. Parce que bureau za moko, directeur za moko, vice-directeur za moko, ba secrétaire za moko. Soto longo leka amouke. Donc, nyon so, église catholique azwa. Vous comprenez ce qui se passe? Bande ko bouti ko mona démonstration. Église azoboya.